Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission enregistrée en différé un peu plus tôt dans la semaine. Et on a déjà la quatrième émission du mois de septembre qui se déroule devant vos oreilles ébahies. Le mois de septembre est très généreux en dimanche cette année, du coup vous aurez plein d'émissions forcément, avec déjà un très gros renouvellement de la playlist puisque on entre 12 nouveautés pour ce soir. Alors on a de tout, hein. On a du culte et de l'underground, ça va de Bloodbath à Arle 15, Dark Prison Massacre, Earth Crisis, Spiritus Morti, les Français de Sorcerer ou autres mauvaise foi, etc. etc. Voilà, qu'on va s'égrener tranquillement au cours des deux heures à venir que l'on va pouvoir passer ensemble. Et émission que l'on débute avec une nouveauté, les Suédois de Bloodbath, le groupe de death metal qui nous sort son nouvel effort studio Survival of the Sickest, une sortie chez Napalm Records avec un artwork ultra soigné qui n'est pas sans rappeler les esthétiques des derniers Autopsy par exemple. Voilà, c'est le sixième album pour le groupe de Swedish Death, de Gordes même, actif depuis bientôt 25 ans. Troisième effort studio, déjà, avec Nick Holmes derrière le micro. Musicalement, qu'est-ce qu'on a ? Donc un death 100% suédois, bien évidemment. Catchy, tubesque, cependant, pour du Bloodbath, ça manque un peu de gras et de brutalité par-ci, par-là, mais l'efficacité est toujours présente et la maîtrise également. Et en doublette avec Bloodbath, les vétérans américains de Megadeth, 16e effort studio pour le groupe de Thrash. Gros line-up sur ce nouvel effort studio qui s'appelle The Sick, The Dying and the Dead. Voilà, les présentations ont déjà été faites ces dernières semaines pour Megadeth. Donc voilà, on ouvre l'émission avec une nouveauté, Bloodbath, on s'écoutera le titre Zombie Inferno. Et Megadeth, le titre Celebutant. C'est parti, et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission. Nouvelle doublette, forcément, nouvelle nouveauté, avec les Portugais de Gaera, le groupe de black metal qui monte, qui monte, qui monte et qui commence à se faire un nom très sérieux sur la scène internationale. Troisième effort studio pour la formation active depuis seulement 2016. Une nouvelle sortie qui voit le jour chez Season of Mist avec des titres généreux de 5 à 9 minutes. On est toujours sur un black assez moderne, cathartique, légèrement mélancolique, même si dans l'ensemble on est sur quelque chose de vachement intense, un peu à la sauce Mgwa, en plus abrasif maintenant, étant donné que Mgwa perd un peu le tempo. Voilà, ce nouvel effort de Gaera s'intitule Mirage et allez les voir sur scène, c'est vraiment une expérience à part entière. Et en doublette avec Gaera, les vétérans allemands de Blind Guardian, le Heavy Power Epic, se retrouvent sur ce nouvel effort The God Machine, une sortie Nuclear Blast. On s'écoutera Deliver Us From Evil et juste avant ça, Solve, le titre de Gaera. C'est parti. Your soul! C'est alors une doublette avec encore une nouveauté dedans. Bon, tout d'abord, la formation de Grindcore++ de Singapour, Wormrot, qui sort son nouvel effort studio le 4e. Il s'intitule Is, une sortie Irish Record. Le groupe a bénéficié d'un focus lors de la dernière émission. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur la musique du anciennement trio de Singapour, Wormrot. Bon, actuellement, ils ne sont plus que deux, puisque le chanteur a quitté la formation juste avant la sortie de ce 4e effort studio. Voilà, au cas où les candidatures sont d'ailleurs ouvertes, même si pour les dates à venir, c'est le chanteur de Implore, Gabriel, qui assurera les sessions live, une sortie Irish Record. Et ensuite, les vétérans de la scène straight edge américaine de Earth Crisis, ils sortent un nouvel EP, Vegan for the Animals, tout est dans le titre de l'EP hein, d'ailleurs. Earth Crisis, ça fait partie de ces groupes pionniers et qui ont vraiment participé à écrire les naîtres de noblesse de la scène straight edge américaine. Voilà, le groupe a vu le jour début 90, fin 89, avec bon, cependant un petit creux au milieu des années 2000. Une disco généreuse, et là c'est la première sortie studio depuis 2015. Sur cette EP 4 titres, on retrouve deux morceaux inédits et deux compos qu'on ne trouvait qu'en version live. Voilà, il n'y avait encore jamais eu d'enregistrement studio pour Earth Crisis. Donc on est toujours à la croisée du hardcore metalcore qu'ils nous servent depuis de bien nombreuses années, de manière toujours aussi efficace, frontale et vindicative. Avec cependant vraiment quelques intégrations de des codes musicaux de la scène straight edge et avec une petite mise en porte parenthèse de leur aspect plutôt metalcore, voilà ce qui donne un EP ultra frontal et bien grassouillé. Sea of Disease, le titre de Wormrot, et on s'écoute ensuite le titre de l'EP pour Earth Crisis, Vegan for the Animals. C'est parti. We'll be right back. Première doublette de ce soir, sans nouveauté, SIG les Japonais, Organic Tommy les Australiens. SIG, ce groupe de black metal plus, tantôt avant-gardiste, tantôt épique, tantôt ultra violent, qui nous sort son nouvel album Cheeky via Peaceville Records, le label anglais. Et en doublette avec SIG, Organic Tommy, le groupe de slam death venu d'Australie, donc qui nous sort un Nail Below Nail de haute qualité chez Unique Leader. On s'écoutera le titre Cult of Excess pour Organic Tommy et Mayonaka no Kai pour SIG. C'est parti. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On déroule tranquillement l'émission en différé pour ce soir, avec maintenant une doublette venue du nord de l'Europe, et avec une nouveauté pour cette doublette, le groupe finlandais Spiritus Mortis, vieux vieux groupe de doom qui nous vient donc de Finlande, même considéré comme étant le premier du genre dans le pays. Actif depuis 1988, ils sortent là leur cinquième album studio. Le groupe n'a pas une grosse disco par rapport à la longévité de leur carrière, puisque pour rappel, le premier album n'a vu le jour qu'en 2004. Et avant ça, ils avaient balancé plein de EP et démos pendant presque 15 ans. Voilà, on est toujours sur un doom heavy bien old school, dans la sauce des anciens Candlemast, Trouble, Contraven, etc. C'est du doom très hard rock, donc plutôt soutenu dans les tempos. Et voilà, c'est massif sans être non plus asphyxiant, comme on peut souvent retrouver ça dans le style. Exist ensuite la formation danoise qui nous sort un nouvel effort de Blackening Hardcore Sludge. Voilà, à l'occasion de ce troisième album, le groupe atterrit chez DB Murmorty, le label français. C'est généreux, 12 titres pour 45 minutes, c'est violent, ça dépouraille, voilà, de 1:30 à 6 minutes. Et toujours des tournées aussi longues que leur musique est nihiliste. Voilà donc pour la doublette du Nord à venir. Spiritus Morti, on s'écoutera le morceau Scotty, extrait de l'album The Great Seal. Exis, le morceau Akipis. C'est parti. We'll be right back. Et on attaque déjà l'aspect française dans l'émission Hellbanger de ce soir avec une doublette sans nouveauté, pour le moment. Tout d'abord le heavy grenoblois de Sacral Knight avec Nouvel Effort Studio, le Diadème d'Argent. C'est vraiment coolos ce que nous propose Sacral Knight, ça dégouline les années 80, c'est revival et vachement bien fait. Mourir, ensuite la formation toulousaine qui nous sort un second album, toujours aussi violent, dérangeant et dérangé. Il s'intitule Disgrâce, toujours une sortie dispo chez SrossRunner Records. On s'écoutera le titre de Peace et d'Orgueil. Voilà, le décor est posé. Et juste avant ça, Sacral Knight avec le titre Conquérant des Lumières. C'est parti.